je vis des jours sans nom quand ta voix me blesse. Ou si je crois que ton cœur me laisse, j'ai des mots incapables de.